Let's go. Rail suprême. 2 heures DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Bonsoir et comme chaque dimanche soir, soyez les bienvenus pour Rail Suprême DJ Case. Yes. Bah très très bien, on a passé une super semaine, on s'est régalé. Et une, là, on et une grosse ce soir, ouais, une grosse émission. Ah oui oui, ce soir une grosse émission, on va s'éclater. Il y a Isno, qui va ambiancer comme d'habitude. Il y a Screech, énorme. Et il y a notre ami Ryan, les conneries de Ryan. Isno qu'on peut déjà saluer. Yes. On saluera tout le monde juste après. Bien sûr. Mais Isno, comme il est arrivé voilà. Déjà d'entrée de jeu, il a posé le matos. Il a dit énorme l'émission de ce soir. Ouais oui. J'ai préparé que du lourd. Donc ce soir des ambiance, ouais, du son. Ouais, du son, vraiment ambiance soirée, et puis je vais balancer plein de titres de l'album. D'ailleurs, l'album il est toujours disponible. Depuis une bonne semaine maintenant. Depuis le 3 juin, voilà. Mmh. N'hésitez pas, sur iTunes, partout, il fait un carton, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Et bah, coup d'envoi. Allez, yes. Coup d'envoi de ce Rail Suprême maintenant, c'est parti. Rail Suprême, minuit, 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Je suis à Miami, ce soir ça va grailler. Hey. Rentre dans la piste. On rentre doucement dans l'histoire, la famille. Y'a de la weed, y'a du kedja. Ils aident nos 45G aux commandes. J'vais claquer tout ma paye, tout mon pénètre. DJ Case. Oh oui, au pays des ténèbres. Rail Suprême. Posé dans le bar avec Aïe. Y'a un album qui arrive d'armes. Des omnidas au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Hashtag Rail Suprême, la famille, branchez-vous. De quoi te donner la migraine. Ça va chauffer. Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime. Toutes les nuits c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement ne bouge. Je suis à deux doigts du crime passionné. Hashtag Rail Suprême. L'album est sorti le 3. Oui, collé serré. Collé serré. Toute la nuit ça va collé serré. La petite, la petite. Collé serré. Oui, collé serré. Y'a de la go dans la deux bois. Toute la nuit ça va collé serré. J'ai rattrapé cette femme dans la soirée. Est-ce que vous êtes chaud? Ils étaient nos 45G. En ambiance, la famille. On veut du hashtag, on veut du hashtag Rail Suprême, branchez-vous.

pas chercher l'album. J'ai mis les dents, les dents. J'ai vu ton corps se déhancher dans la soirée. Réagissez sur l'hashtag Rai Suprême. Ne vous trompez pas. Que vous êtes l'album du meilleur DJ, c'est sorti. Dame la vuelta, dame la vuelta, danza kuduro, no te caes. Sky Suprême. 2 heures sur Skyrock. Et nous les amis, dans sa couloir. DJ Kai, DJ DJ Kai. Là c'est la session, c'est la session pointilleuse. DJ Kai, ça s'est même posé sur le platine. Il est énervé. Et comme dans sa DJ. Tu veux écouter ça la famille en live? C'est sorti le 3 juin. Sachez-le. Sachez-le la famille. Et ce son c'est fait pour vous. Skyrock, Allemand 06. Les tournements. fait chômer le gilet barbare. Venga, venga, venga, venga, venga. Vers le rosé, ah, je suis d'aille. T'as compris. Elle a du style, aïe, aïe, aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Venga, venga, mi amor. Pina colada, chicha, man, si, señor. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, loca. Ça chauffe la famille. Nous on s'enchaîne. Sur les vitres la famille. Alors, hashtag Rai suprême. Tu crois qu'il plaque une GK? Non. Ce n'est que le début. Now we're Rail Suprême. Les épaules. Les épaules. Je sens quasi énervé. Répétez la loi. Soyez bouillants. Rail Suprême. Vous n'êtes pas prêts. Le bitume et les buildings, je le répète, le 3 juin. Ah ah. Hashtag Rail Suprême, DJ Kaïs. C'est comment? C'est le 3 juin. Trop chaud, gros. Mais aïe, stress, t'as lié à la serveuse, t'as pas laissé de pourboire. Car tes poches sont vides, vides, vides. Mais je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé, on reste pas. J'ai pas l'avion de chasse, c'est que des Vespa. Faut leur mettre des fils, comme sur Insta. Hashtag Rail Suprême. Tu fais pitié, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé, on reste pas. L'album est sorti le 3 juin. C'est que des Vespa, faut leur mettre des fils. Excuse si tu veux. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai besoin d'elle. Tu me coupes à mon fan et me boule tout le thé. Alors, je veux voir mes un vrai DJ, pieds, on ne ment pas. Mes potos kiffés, l'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai DJ Kai. Appelle-moi pour un fif, appelle-moi pour un foot. On fait danser les défenses, nous. Fais le délin fou, le bouche ton bas à ton épaule. C'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Minuit, 2h, c'est Rail Suprême sur Skyrock. La rivalité, la vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Mon rideau à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez, pas que ça perd moi. Allez, allez, allez, allez chercher la loi. Allez, allez, allez, c'était le 3 juin. Allez, allez, allez, DJ Khaled. Mon cœur, tu sais la mer. Weekend, on se fait la mieux la famille. Au calme, on doit revenir. Hashtag Rail Suprême ce soir. Et si tu connu, y'a rien à faire. Mettez-moi le feu, la famille. Et les voix. Y'a du lourd, l'album est sorti. Il s'est donné un rendez-vous. Des fous partout, oui. Y'a des petits gantés, oui. Y'a des fous partout, oui. Y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, y'a mon parcours, joue pas le brigandé, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, y'a l'album partout, joue pas c'est le 3 juin. Hashtag Rai Suprême la famille, on est, c'est du sérieux ce qui se passe dans les studios. Du galant très de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle se fout de son corps. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres. DJ Kaïs, depuis le 3 juin dans les bacs. Binda dans sa vie, le gars consomme les hommes des autres. Skyrock, tu veux cette ambiance tout au long de l'été, va péter l'album. DJ Kaïs, envoyez vos messages. Elle est plutôt jolie, donc hashtag elle se fout de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con. Écoutez le son et danser. Oui parce qu'elle est beau. Écoutez le son et danser. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau. Pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu peux. Johanna, on te voit. De Paris à Cassis, on te voit. Rami Oji, mon gars. Oscar, Gigi, on te voit. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. On est deux heures ensemble, sachez-le. DJ Kaïs, c'est comment? Elle est dans le cœur de tous mes stars. De Marseille, y'a pas d'amour, lui, on n'a pas des ondes, on s'arrête. Bougez, Binta, bougez, Binta, bougez. C'est Kaïs, c'est Kaïs. Binta, bougez. Johanna, de Cassis, on te voit. Kaïs et DJ Kaïs. DJ Kaïs, c'est un ami, Oji, c'est là, mon gars. Comme une paloche. Tu veux voir du champagne? Mais tu es un idiot. De toute façon moi j'ai dit putain. Ouvre ton hut et je marque un but. On ramasse les dollars, les cochons. On touche à tout ce qui bouge. Même le bout de Madame Olson. Hashtag Rai Suprême, réagissez, réagissez. Il va avec une fichesse. Pied au plancher, dans le bolide. En mocassin, je roule sur ses bits. J'ai leur marque à ça. Maman, je me sens comme. Maman, je me sens comme. Maman, je me sens comme. Putain! piqué en puant. Allez fêter l'album La Famille DJ Kaïs depuis le 3 juin. Lou. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Christian Dior. Ah bon. Oui j'adore. Un verre de champagne. Mon gars. Et on t'aborde. J'aime ton sort. On t'entend La Famille, on t'entend. L'album à DJ Kaïs, on aime trop ça. Faiblesse de l'homme. PCPG, elle se recoupe le nez. On transmet. Une causette, c'est une nouvelle feuille. DJ Kaïs est trop chaud. C'est la gratuité. Il nous fait monter, il nous fait monter. C'est la gratuité. DJ Kaïs, c'est comment? C'est la gratuité. DJ Kaïs, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Gratuité. DJ Kaïs. Kaïs Suprême, ils êtes dans nos 45G. C'est tout la LON, on dirait la Pointa. Pour les frangins qui mettent un hilangin. Normal pour les anciens. Pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle le 3 juin. Comme ça. Que des délitudes, c'est le béton. Y'a du salement propre qui est sorti la famille. Que t'as aimé du vice, c'est le béton. Ça s'ancre. Ça gratte tout. On est en live de Rail Suprême, réagissez avec le hashtag. Montez-le, montez-le, t'étais un peu du feu ce soir. Encore un classique qui nique des mœurs. Nous serons en boîte. Cette année, je fais corps. Je serai soufflé la femme. Pour toi, j'accélère. Donc, fais pas rien à la maison. Donc, arena. J'ai la raille suprême, DJ Kaïs. Vous êtes dans nos 45 G. C'est sur le D-Max, D-Max. Pour ceux qui n'avaient que la bac, la bac. Arrêtez de me prendre puisque je ne suis pas. T'as voulu me faire la course, mais frérot, tu suis pas. En bouillon, fuis pas. En poteau, on sneak pas. À LON, que l'on arrive, mais fuis pas. C'est ça, tu verras un missile dans les bacs, c'est DJ Kaïs. Moi, j'ai été chercher mon CD. Moi j'en ai rien à battre. Moi aussi. On va faire mal, on t'a sur faire mal. Tu me fais le gros, tu DJ Kaïs, c'est la base. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu récupères un truc d'amis. Tu vas passer à pêcher tes vagues, pêcher l'album. Et t'auras sans bien, tu te rends CD. Tu te rends l'année même. J'accélère en CBR, en SLR. Si tu me vois tout niquer, dis-toi que c'est l'heure. Je suis rock, oui. Sab, il le sabre, sab, c'est cave. Parfois je tourne, je tourne, DJ Kaïs c'est du lourd. Je tourne, tu braves et j'en bats. Hashtag Rail Suprême. Dis-le, on reçoit pas. DJ Kaïs c'est du lourd, il le sabre. Sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, sab, frérot, tu tombes à pic. Ah, les déglingos, ça va ou quoi? Toujours en retard, vous? Ils n'ont pas de carton d'invitation, Case. Ah, mais eux, c'est la famille. Vas-y, laisse-les rentrer, t'inquiète. Rail suprême. Minuit, 2h. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. انا والغرام باي باي يا نقولها ليك طاي طاي تبعتي الهضره والكلام ريزلت والو يا كنت نبغيك بالهبال شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت دايرة كافي يا مرضى بافي وعشقك ما داري وزيت البعسي وانا ما ناسي وما درنا والو كنت دايرة كافي يا مرضى بافي وعشقك ما داري وزيت البعسي وانا ما ناسي وما درنا والو Malgré les sœurs et عمري malgré les sœurs Dis-moi في بالي قادي l'espoir J'en qui كن هبلو عديان كملو l'histoire J'en qui كن هبلو عديان كملو l'histoire Malgré les sœurs et عمري malgré les sœurs Dis-moi في بالي ابن عديان كملوا الاستوار شعب كي كنا ابن عديان كملوا الاستوار كدير الكافي يا مدربي وعشقك مدرلي وسيت البارسي وانا مناسي ومدر لوالو كدير الكافي يا مدربي وعشقك مدرلي وسيت البارسي وانا مناسي ومدر لوالو كدير كافي يا مود ما في عشقك مدالي ونسيت الباسي وانا ما ناسي وما درنا والو كدير كافي يا مود ما في عشقك مدالي ونسيت الباسي وانا ما ناسي وما درنا والو Dimanche soir sur Skyrock, c'est Rail Suprême avec, on le disait, Isno qui est là, mais d'autres personnes qui l'ont rejoint. Et là, grosse ambiance ce soir dans l'émission dans Rail Suprême. Je te laisse faire le tour de table. Il y a Isno qui est là, qui est là, présent sur mon album avec son évidemment. Qui est là aussi, qui fait des bigs ambiances. Il y a les conneries de Ryan qui est très connu sur internet, sur la toile, vous pouvez aller voir, cliquer les conneries de Ryan, il est là. Tu Ryan, comment ça va? Oui, je suis là, allez, c'est parti. Il s'incruste un peu au micro. Bien sûr, ça fait partie de ses conneries. Ça fait partie de mes conneries. Si tu devais faire une connerie sur Case, ce serait laquelle? Je devrais lui dire, s'il te plaît, maigris un peu. Oh putain. Il y a le ramadan, ça va m'aider. Ouais, ça va t'aider. Allez, bon, c'est pas vraiment semaines. Une connerie, mais. Allez, non, non, c'est plutôt une affirmation. Bon, vas-y, t'es viré. Ça y est, salut. Il t'attend à la sortie. Ryan, mais c'est quoi ce garde du corps qui vient pour moi, là? C'était le passage le plus court dans Rise Supreme. Il durait 10 secondes. Et Screech aussi qui est présent. Tu m'as posé plus. Ouais, je suis là. Monique. Qui est venu cette semaine dans Planète Rap aussi. On est là, Fred, et toi, comment tu te portes? En pleine forme, j'ai pas l'air d'aller bien. Non, mais. J'ai le même régime que Case, moi, c'est la même chose. Déjà que tu m'as attaqué l'autre fois pour mon bouton, je dis rien. Tu vois, tu reviens là-dessus. Ouais, mais il est flingue. Tu reviens là-dessus alors. Et Monique, comment ça va? Monique, elle a la maison de retraite. Ouais, elle est là. Bon, bah d'ailleurs, en parlant de Monique, est-ce qu'on peut y aller pour le live maintenant? Bien c'est parti. Allez, ouais, vas-y, on Screech. Ah, tu nous fais briller en live. Monique, Monica. Je suis chaud. Allez, Monica, frère, on y va. Ça se voit, goutte de sueur. Le Rise Supreme. Et évidemment, d'autres lives qui vont suivre dans la foulée. C'est parti. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Suprême is no good. Tu l'entends partout. DJ Kai sur Rise Supreme is no good. Ryan et ses canneries. Boom. DJ Kai. Je recevais des petits.

amis, maintenant la balle est dans ton camp. Rejoins-nous, pourtant t'as pas besoin de billets. Voici la soirée que tu ne vas jamais oublier. Ok, tout le monde est debout, on va se défouler jusqu'au dégoût. Écoute, appelle tes écoutes, dis-le que c'est fou. Ce soir, c'est le meilleur des rendez-vous. On reconnaît, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré, tout pensé de tête. Après que ma fée, il est tout terrain. Qui veut la patate? Enfuis ta tenue, mon gars, passe au combat. On suis pas le patte, paye en test. Tu comprends qu'il va se faire événement. Image de ça, tu prends les mecs de la vie. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est moi l'enfoiré qui fait bouger ta vie. Marseille et Bordeaux, le 3 juin, c'est pas DJ qui part. Paris suprême, fuck les jaloux, j'suis pas ma vie. Arrose le bout, c'est pas ça. Appétit, passe par chez la boulette, je précise. Imbécile, je me barre loin d'ici. J'oublie les galères, elle est finie. Gâti, appétit, allez. Gâti, appétit, appétit, allez. Gâti, appétit, allez. Gâti, appétit, allez. Let's go. Rise Suprême, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. la famille. Rail suprême. Soyez DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Comme ça.

va pécho l'album de DJ Kyle. La famille, branchez-vous, branchez-vous. On y sera ici. Comme Tony, aïe aïe aïe, ton mec arrête pas de bailler, aïe aïe aïe.

شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كديك قلبي يا مغضوب قلبي عشقك ما دارني نسيت تواسي وانا ما ناسي وما درنا والو كديك قلبي يا مغضوب قلبي عشقك ما دارني نسيت تواسي وانا ما ناسي وما درنا والو Malgré les sorts, y'a عمري malgré les sorts ديما في بالي مقعد الاسبوار رجعو كي كنا هبلو عديان كملو الاستوار رجعو كي كنا هبلو عديان كملو الاستوار malgré les sorts, y'a عمري malgré les sorts ديما في بالي هبلو عديانا كملو الاستوار مش عم كي كنا هبلو عديانا كملو الاستوار كديك قلبي يا مدر مغي وعشقك مدرلي وسيت البعصي وانا مناسي ومدر لوالو كديك قلبي يا مدر مغي وعشقك مدرلي C'était pas si ouais les menaces et au médic le wedou. كدير كافي يا مود ما في عشقك ما دالي ونسيت باسي وانا ما ناسي وما درنا والو كدير كافي يا مود ما في عشقك ما دالي ونسيت باسي وانا ما ناسي وما درنا والو Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême, Case. Déjà merci, merci à toi, à tes invités qui étaient là. Ça passe vite. C'était lourd. Isno était là, dans la maison. Isno, voilà. Screech était dans la maison. En sueur comme jamais. En sueur comme d'habitude. Et il a tout donné. Ah, en tout cas, Skyrock pour très, très lourd. Fred, un grand merci pour de m'avoir invité, comme d'habitude. Ça fait déjà plusieurs mois. Et moi, tu me remercies pas. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Et un gros grosse émission et une grosse dédicace à DJ Case qui m'a invité sur son projet. Magnifique, c'est bien DJ Case, à Justin Record, toute l'équipe, et voilà, continue à booster, acheter l'album. Merci aussi à Ryan et ses conneries qui étaient là ce soir. Merci les conneries de Ryan, parce que moi je dis pas Skyrock de Fred. Hein. Donc c'est les conneries de Ryan, non pas Ryan et ses conneries. Ah, je rigole. Bah, merci. Les gens, ils pensent que c'est après, merci beaucoup à toi Fred de m'avoir supporté. Oui, beaucoup fait pour ta carrière. Je te remercie. Et Fred. Merci à DJ Case aussi pour la force qu'il donne. Et Fred, un dernier message pour vous tenir au courant. Il y a Monica, le clip il arrive bientôt en featuring avec DJ Case. Donc restez branchés. Ouais. Incessamment, sous peu ça arrive. C'est lui voilà. Et sur Nostalgie tous les dimanches. C'est lui qui joue le rôle de Monica. Ouais, on lui a mis la petite robe. On lui a mis une petite perruque, DJ Case. Fred, j'ai le droit de faire une petite annonce. Maintenant, ça s'appelle Monica Eyes. Attention, les gars, c'est The Annonce. Attention, là, ça va faire mal. C'est The Annonce. Roulement de trompette. Bah, je vais bientôt faire The Voice. C'est bon. Ah ouais, c'est lourd. Nouvelle. Ah lourd, ah, bah je vais pas voter pour toi, super. J'espère que hein. Non, c'est pas possible. Ah si, si, si, c'est possible. La galère. Écoute, ça c'est une exclue totale, donc on va te suivre. Voilà. J'espère de semaine en semaine. Super. J'espère que ce sera pas juste un aller-retour. Écoute, moi en tout cas, je vais y aller, je vais faire mon travail et ça se retourne ou pas, j'aurai fait mon travail. Et moi, t'inquiète, si j'étais dans le jury, je connais très bien Garou. Voilà. Et moi, en tous les cas, sincèrement, merci beaucoup à la famille, merci beaucoup à Case, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça va être sympa en tout cas le duo avec Florent Pagny. Ouais, on verra bien. Tu connais. On verra bien. En tous les cas, voilà, je voulais dire que voilà. Merci beaucoup à DJ Case parce que c'est l'un des artistes sur hein, non, le seul artiste lourd. Voilà. Qui donne vraiment de la force aux artistes comme nous. À la fin, j'en ai plus. Case, il a les cheveux tellement à droite à gauche. En tout cas, il est chaud. Case, il a les cheveux bien maïtés, je crois. Merci moi, à vous, moi, en tout cas. Fred, merci Fred, à toi, Fred, on y va vite, on y va vite. Juste, j'en place une, je fais une grosse dédicace à tous les gens de Châteauroux, mon petit frère Jessim, voilà. À Andrew de Paris, ceci, Mehdi. Et merci encore à DJ Case. Et merci à Miloud et à Case, la semaine prochaine dans le Rail Suprême, on fera la musique. Hein, tu n'as pas oublié qu'on fêtera la musique. Oui, bien sûr. Avec beaucoup d'invités, beaucoup de live. The Fête de la musique. Et bien avec plein d'artistes. Plein d'artistes. Voilà. Ne loupez pas en même temps la Fête de la musique. C'est aussi chaque semaine et tous les jours sur Skyrock. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. C'est reparti le son de Skyrock. Rap R&B en non-stop. Ciao. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2020.